Et tu avais un statut de salarié ou bien Non, il n'y non, avait pas à ce c'était moment-là. familial quoi. Oui, et familial, voilà, c'est ça qu'on va dire. Et travaux sur travaux de maison, pas travaux des champs. Aussi, des champs, Des des champs. champs Alors aussi. là, les Ah oui, champs, oui. les champs, oui, des champs aussi. Là, Hein. tu faisais quoi Ah dedans? ben, plein de choses, hein. Comment on appelait ça là? Alors, biné, ben, c'est ça le binage. Oui. Oui, ben tout. Et on mettait beaucoup à l'époque des petits pois, des choses comme ça, des petits pois, des haricots. Je me rappelle, oui, les haricots, ça c'était une corvée. Hein. Puis je ramassais les Oui, haricots. j'ai fait ça Les aussi. petits pois à l'époque, ça rapportait bien, ça, non? Oui, certaines années aussi, hein, c'était ça. Ça dépendait beaucoup hein, des industriels, quoi. Et la ferme à Côte d'Ars, c'était une grande ferme? Non, non, Non? non, 12, Non. 5. À l'époque, mes parents avaient, ils avaient une ferme à côté, Côte d'Asnevé, ça s'appelait. Donc ça veut dire que c'était plus nouveau, quoi, si on veut. Normalement, ça aurait dû être tout en même temps, toutes ces fermes-là. Ça doit faire 60 hectares à peu près. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas de machine, rien du tout, il fallait tout faire à la main. C'était des petites fermes. Ah Hein. ouais. Ah oui, Ouais, chez nous, il y puis avait 12, 5. Et la ferme d'à côté, quoi, de la Znévé, que ça s'appelle, ça veut dire nouveau, quoi. Hein. Et c'était à mes parents, pareil, et c'était loué. Ah Ah oui, c'était loué, hein, au Le ouais. Folle, hein, qui travaillait ça. Mais on ne pouvait pas, tant qu'il n'y avait pas les grosses machines à la main, bon, on ne pouvait pas faire on pouvait pas avoir de grosses fermes, hein.